et pourquoi ? À l'occasion du 40e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, beaucoup d'éditeurs, sans doute troublés par la multiplicité des hypothèses qui ont été émises, m'ont écrit. Ils voulaient connaître le point de vue de M. X sur cette affaire. Il y a plusieurs années, mon interlocuteur m'avait déjà entretenu de ce dossier et il m'avait donné sa version. Nous allons en reparler. Mais, je vous rassure tout de suite, il n'a pas changé d'avis. Toutefois, il m'a proposé, afin de satisfaire la curiosité de ses auditeurs, de rappeler les faits, de passer en revue toutes les thèses, de les éplucher et de me rappeler ce qu'il me disait déjà en 1997. Quelques chiffres auparavant. L'assassinat de Kennedy, 35e président des États-Unis, n'a cessé de fasciner le monde entier, même si l'image de ce jeune et charismatique président américain, qui n'a régné qu'un peu plus de 1000 jours, a été depuis sérieusement écornée. On a calculé que 1000 livres ont déjà été écrits sur cette affaire. 1000 livres et presque autant d'hypothèses. Et ce n'est certainement pas fini. Le dernier en date, paru en France, accuse même le clan Bush d'avoir été mêlé au meurtre de Kennedy. Autre chiffre, les Américains, dans leur immense majorité, ont toujours l'impression que les autorités, les différents départements de police et les services secrets leur ont menti et que leur président a été victime d'une conspiration. Et aujourd'hui, à Dallas, il existe même, à proximité du lieu de l'attentat, un musée de la conspiration. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ben, voyons d'abord les faits, mais uniquement les faits. Ils sont déjà suffisamment troublants en eux-mêmes. Donc, ce 22 novembre 1963, en fin de matinée, JFK atterrit à Dallas. Et c'est un voyage à haut risque. Mais rappelez-moi pour quelle raison hein? Ben, les Texans ont beau avoir souvent voté démocrate, ils ne sont guère favorables à Kennedy. Et ils ont de nombreux motifs pour cela. Bon, je résume brièvement. Premièrement, ces sudistes sont des conservateurs, et même des ultra-conservateurs. Kennedy, qui est un Yankee progressiste et catholique, partisan de la mixité raciale, est donc considéré comme une sorte de communiste. Et j'exagère à peine. Bah, pourtant, JFK a toujours affiché des convictions anticommunistes. Hein. Je pense à son voyage de Berlin, ou encore à son attitude très ferme pendant la crise des fusées. Oui, vous avez raison, mais ça ne suffit pas aux Texans. Ils n'ont pas oublié la désastreuse affaire de la baie des cochons. Ouais, la tentative d'invasion de Cuba. Hein. Oui, et pour eux, comme pour tous les anticastristes qui sont nombreux dans le sud des États-Unis, si cette opération a raté, c'est à cause de Kennedy qui n'a pas eu le courage d'appuyer militairement les envahisseurs. Enfin, si vous voulez bien, on en reparlera. Hein. Car Cuba est directement ou indirectement au centre de l'affaire. En outre, les milieux industriels texans sont furieux après Kennedy. Oui, c'est sa politique fiscale. Hein, c'est ça, oui. Le président a décidé de taxer les pétroliers. Ça, ça passe très mal. La veille de l'arrivée de Kennedy à Dallas, les journaux ont publié de pleines pages de publicité violemment hostile à JFK. Mmh. Et une organisation d'extrême droite a même distribué en ville des tracts avec, au-dessous de la photo du président, la mention « Recherché pour trahison ». Au fait, pourquoi vient-il à Dallas hein? Ben, la campagne électorale présidentielle. Pourtant, l'élection n'aura lieu qu'en 1964. Oui, c'est vrai, mais aux États-Unis, la campagne se prépare très longtemps en avance. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, en France, il existe aussi des candidats potentiels qui y pensent plusieurs années avant l'échéance, hein, et pas seulement 3 ans. Oui, c'est vrai, mais enfin, passons. Kennedy se rend donc à Dallas pour essayer de convaincre les électeurs texans, car c'est un État qui pèse très lourd, près du 20e du Collège des grands électeurs. Pour autant, Kennedy ne manque pas d'atouts. Le gouverneur, John Connally, est démocrate. Et puis surtout son vice-président, Lyndon Baines Johnson, est non seulement démocrate, mais texan. Ouais, bon, on a toujours dit qu'entre Kennedy et Johnson, c'était pas l'amour fou, hein. C'est vrai, mais enfin, il faut se rappeler que les deux hommes avaient été rivaux lors de la convention démocrate de 1960. Mmh. Kennedy l'avait remporté, c'est sans doute à contre-cœur qu'il l'a choisi comme vice-président. Ouais. Et oui, puis en plus, il fallait séduire les Texans. Non, en tout cas, il se dit dans l'entourage présidentiel que les deux hommes ne feront pas équipe ensemble lors des prochaines élections. Ouais, Johnson et Kennedy. Ouais, ce qui ne plaît pas trop à Johnson. Alors, venons-en au fait. Ouais. À l'aéroport de Dallas, les époux Kennedy prennent place dans une voiture découverte en compagnie du gouverneur et de sa femme. Alors, on a tous en mémoire hein, l'image de cette longue automobile. Mmh. Mais oui, au fait, pourquoi une voiture découverte? Ah, c'est Kennedy qui en a décidé ainsi. Il veut être vu par les Texans. Et c'est lui aussi, toujours dans ce but, qui a exigé que la voiture roule lentement dans la rue de Dallas. Alors, les agents chargés de sa sécurité ont accepté alors même que ce voyage était à haut risque, comme vous l'avez dit vous-même. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous, c'est étrange. Autre étrangeté, et c'est un euphémisme, il apparaît que sur le parcours emprunté par le cortège présidentiel, il se trouve bien peu de forces de l'ordre. Pire encore, il semble que l'on ait négligé de repérer tous les endroits d'où on aurait pu tirer sur le président. Contrairement à l'habitude, il n'y avait pas de policiers sur les toits. Et l'unité spéciale chargée d'assurer la sécurité du président n'avait pas fait le déplacement. Négligence J'ai du mal à y croire. Vous savez bien que le Secret Service est d'ordinaire très vigilant, et même envahissant. Or là, à Dallas, manifestement, les services de sécurité ont fait le minimum. Ouais, mais il y avait quand même des policiers. Oui, en tête du cortège. On trouvait des motards, puis une voiture à bord de laquelle se trouvait le shérif du comté, le chef de la police locale. Juste derrière, roulait la voiture présidentielle conduite par un agent du Secret Service. Et à côté de lui, un second agent avait pris place. La décapotable précédait un autre véhicule avec 8 policiers. Après, il y avait l'automobile du président Johnson et encore une quinzaine de voitures. Mmh. Et vous trouvez alors, si je vous comprends bien, ce dispositif minimum suspect? Évidemment. Mais encore une fois, dans un premier temps, bornons-nous à l'examen des faits. Mmh. Il est donc 12h30 quand le cortège s'engage dans Elm Street et traverse un vaste espace gazonné. Les voitures doivent ensuite rejoindre une rocade qui conduit directement à la chambre de commerce où Kennedy doit déjeuner et prononcer un discours. Et c'est là, sur cet espace gazonné, enfin, en traversant cet espace, qu'on va tirer sur le président. Oui, un endroit qui s'appelle Dealey Plaza. Il y a 3-4 coups de feu, Kennedy est touché à 2 reprises, la deuxième balle lui emporte une partie du crâne. Ouais, aucune chance de s'en sortir. Non, non. Et son chauffeur, après quelques... Je dois ajouter que le gouverneur Connelly a aussi été touché, enfin moins grièvement. Oui. Bon, et sur les lieux de l'attentat, alors, que se passe-t-il? Bah, les coups de feu ont été tirés alors que le cortège venait de passer devant un immeuble en briques, un dépôt de livres scolaires. Et immédiatement, les hommes chargés de la sécurité pensent que le ou les tireurs étaient dissimulés dans ce bâtiment isolé. D'autant qu'un témoin affirme avoir vu une silhouette à l'une des fenêtres du cinquième étage. Une silhouette tenant quelque chose qui ressemblait à une barre de fer. Oui, c'est un... En fait, le canon d'une carabine. Hein. Mais d'autres témoins n'ont-ils pas affirmé que les coups de feu auraient pu être tirés devant la voiture et non pas derrière? C'est juste, oui, et ça alimentera la thèse de la deuxième équipe, effectivement. Il y avait là, sur la pelouse, une barrière derrière laquelle un tueur aurait pu se cacher. Il existait aussi un talus qui aurait pu servir à dissimuler le tireur. Et on procédera d'ailleurs à quelques interpellations parmi les spectateurs qui guettaient le cortège présidentiel. Mais sans résultat. En fait, c'est le dépôt scolaire qui intéresse en priorité les policiers. Mmh. Une question, pardon. Est-ce que l'itinéraire du cortège avait été rendu public? Bien sûr. Et toujours pour la même raison, Kennedy voulait être vu par le maximum de gens. Ouais. Donc le ou les tireurs avaient pu organiser leur affaire assez tranquillement. C'est exact. Enfin, je reprends. Les policiers se précipitent donc dans ce dépôt de livres scolaires. Au rez-de-chaussée, un jeune homme est en train de boire une boisson gazeuse qu'il vient d'extraire d'un distributeur automatique. C'est un employé. Très curieusement, alors que les policiers vont naturellement boucler tous les accès du bâtiment, ils laissent sortir cet homme. Oui, c'est Lee Harvey Oswald. Bien sûr. Ouais. Et là encore, c'est de la négligence ou la volonté manifeste de ne pas retenir Oswald? À votre avis? Oswald sera le seul à pouvoir quitter le bâtiment, alors que 15 autres employés y sont retenus pour être entendus par la police. On ne peut donc s'empêcher de penser qu'on a sciemment permis à Oswald de sortir. Au même moment, des policiers montent dans les étages, et au cinquième étage, conformément au témoignage recueilli plus tôt, on découvre près d'une fenêtre à demi ouverte une carabine à lunettes et 3 douilles. Oui, alors c'est l'arme du crime? Ça paraît évident. Et on commence à questionner le personnel. C'est là que les policiers, en compulsant la liste des employés, semblent découvrir que l'un de ceux-ci a disparu. On communique donc son nom et son signalement à toutes les voitures de police de la ville. La suite est assez étonnante. Voilà, racontez. Ça se passe quelques minutes plus tard, vers 1h15, dans un autre quartier de Dallas. Selon la version officielle, un agent de police qui fait sa ronde en voiture, un certain Tippit, voit sur le trottoir un homme dont le signalement correspond à celui de Sully Harvey Oswald. Il descend aussitôt de son auto. Pourquoi? Il veut l'interpeller? Et d'abord s'enquérir de son identité. Mmh, attendez, si ce Tippit soupçonne cet homme d'être l'assassin de Kennedy, n'est-ce pas dangereux d'agir seul, ou il aurait pu se contenter au fond de suivre le type et d'appeler du renfort? Oui, c'est aussi ce que je pense, mais enfin, l'agent Tippit agit donc seul. Et il engage la conversation avec l'homme qui se révéla être effectivement Oswald. Et soudain, des coups de revolver sont tirés. Et Tippit s'écroule mortellement touché, tandis qu'Oswald s'enfuit. Des témoins le verront plus tard entrer dans un cinéma. C'est là qu'on l'arrêtera après une courte bagarre. Mmh. Alors ça, c'est pour vous la version officielle. Et pour la police de Dallas, il ne fait aucun doute qu'Oswald a tué l'agent Tippit. Or, une analyse de ses mains, afin de rechercher des traces de poudre, se révélera être négative. Par contre, on aurait retrouvé de la poudre sur sa joue droite. Oui, c'est-à-dire là où il aurait calé sa carabine lorsqu'il a tiré sur Kennedy. Oui, mais cette expertise ne sera pas vraiment concluante. Et comme dans cette affaire, il règnera une confusion permanente, je ne voudrais pas m'avancer. Ah, alors, bon, quand même, selon vous, que s'est-il réellement passé avec l'agent Tippett? Bah, écoutez, je ne sais pas avec certitude, mais j'ai quand même une petite idée. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce policier de Dallas ne se trouvait pas là par hasard. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'agent Tippett n'était pas là par hasard, a dit Monsieur X. Et nous allons voir ce qu'il veut dire par là. Auparavant, je voudrais vous faire part d'un étonnant témoignage que j'ai trouvé dans la revue Historia, qui a publié au mois de décembre 2003 un excellent dossier sur l'assassinat de JFK. Il s'agit d'une déclaration de la tenancière du meublé qu'Oswald louait dans ce quartier où a été abattu Tippett. Mrs. Irlene Roberts déclare que ce 22 novembre, Oswald est rentré chez lui à 13h. Pendant qu'il se trouve à l'intérieur, elle aperçoit une voiture de police qui s'arrête devant sa maison. L'un des policiers klaxonne à deux reprises. Un signal ? Nul ne le sait. L'enquête n'a pas produit de preuve qu'un tel véhicule était dans ce secteur à cette heure. Un quart d'heure plus tard, une autre femme, Mrs. Aquila Clemens, assiste au meurtre de l'agent Tippett. Elle dit à plusieurs enquêteurs indépendants qu'elle a vu deux hommes près de la voiture du policier avant que l'un d'eux n'ouvre le feu sur lui. Le meurtrier a fait un signe à son complice et ils sont partis en courant dans des directions différentes. Mrs. Clemens n'a pas été entendue par la commission. Son témoignage a pourtant quelques consistances puisque les balles retirées du corps de Tippett proviennent de deux manufactures différentes. Alors, commentez votre expression là. L'agent Tippett n'était pas là par hasard. Volontiers. En fait, je pense qu'il avait rendez-vous avec Oswald. Rendez-vous, mais dans quel but? Le tuer. Le tuer? Et pourquoi? Ben, pour qu'il ne parle pas, ça me semble clair. Ah, donc selon vous, pour qu'il ne révèle rien du complot auquel il aurait participé, c'est ça? C'est ça, c'est la vérité. Je vois bien encore que... Enfin, il faut alors m'expliquer ce qui s'est passé réellement entre Oswald et ce policier. Hein. Ben, écoutez, je vais essayer. Et comme d'habitude, à mon avis, il n'y a que deux hypothèses. Je vous écoute parce que tout ça me paraît bizarre. Hein. Et comme je vous comprends. Alors, première hypothèse, quand il voit Oswald, Tippett sort son arme. Il y a bagarre et Oswald réussit à retourner le revolver contre son agresseur et il tire. Oui, ça c'est plausible. Hein. Et alors, la deuxième hypothèse? Tippett, dans sa voiture de patrouille, n'est pas seul. Ce qui est d'ailleurs l'usage aux États-Unis. Tout à fait. Là-bas, les policiers vont généralement par deux. Mm-hmm. Donc, Tippett, le premier, se dirige vers Oswald, pointe son revolver sur lui pour le tuer, conformément au scénario qui a été établi par les comploteurs, c'est-à-dire une arrestation qui tourne mal. Mais Tippett hésite. Ouais. La peur? Peut-être. Tuer un homme de sang-froid n'est pas évident. Alors, comme dans la première version, Oswald se défend et retourne l'arme vers Tippett. Il tire. Ou bien encore, le deuxième policier intervient et supprime son collègue qui a fait preuve d'indécision et devient maintenant un témoin gênant. C'est pas un peu tiré par les cheveux tout ça, là? Non, car vous le verrez, dans cette affaire, on n'hésitera jamais à supprimer des témoins. Donc, d'après vous, le scénario dont vous m'avez parlé, hein, prévoyait la mort d'Oswald aussitôt après l'attentat qui avait coûté la vie au président Kennedy? Ça, j'en suis convaincu. Comprenez-moi bien, Oswald était le pigeon idéal. Pour les gens qui avaient conçu toute l'opération, Oswald devait apparaître comme le seul coupable. Tout avait été préparé en ce sens. Et prestement assassiné, on était sûr qu'il ne pourrait pas parler. Mais il y a eu cette bévue. Et c'est pourquoi deux jours plus tard, un certain Ruby viendra tuer Oswald dans les locaux même de la police. Enfin, n'allons pas trop vite. Un pigeon, dites-vous, hein, c'est votre expression. Mmh. C'est peut-être le moment d'évoquer un peu la personnalité de ce Lee Harvey Oswald. Oui, vous avez raison. Alors je vais m'y efforcer. Et autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas évident tant la brève existence de cet homme est mystérieuse. Mmh. Attends, il a quel âge lorsqu'il a été assassiné? 24 ans. Mmh. Et on a l'impression qu'il a déjà vécu plusieurs vies. C'est-à-dire? Ben, écoutez, son enfance d'abord, naguère était heureuse. Son père est mort très tôt, sa mère s'est remariée, puis elle a divorcé. Instable, elle a fréquemment déménagé. L'éducation du jeune Lee Harvey s'en est forcément ressentie. Et il n'a même pas 17 ans lorsqu'il s'engage dans les Marines. C'est une vocation, ça? Oh, ça, je l'ignore. Enfin, vraisemblablement, s'il s'est engagé, c'est qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. En tout cas, il est envoyé au Japon dans une unité de radaristes. Il apprend aussi le maniement des armes. Mais il ne sera jamais un tireur d'élite. Et ça, c'est important. Et en effet, parce que l'homme qui a tué le président Kennedy était obligatoirement un excellent tireur. Autre chose. À deux reprises, Oswald est passé devant le tribunal militaire. Pourquoi? De broutilles, enfin quand même. Enfin, ce Marines tranche sur ses camarades, d'abord parce qu'il lit beaucoup. Quel genre d'ouvrage ? Des livres sur le marxisme. Ça ne doit pas être très bien lu. Non, d'autant qu'il s'en vante. Il apprend aussi le russe et affiche aussi son admiration pour l'URSS. Ouais, un drôle de marine. Effectivement, oui. Alors quand il demande à être démobilisé, on lui accorde sa liberté sans discussion. Et que fait-il ensuite ? Il revient aux États-Unis, fréquente les milieux anticastristes, puis se rend en Europe et obtient un visa touristique pour l'URSS. Et arrivé là-bas, faisant état de ses convictions marxistes, il demande sa naturalisation. Bizarre, il fréquente les milieux anticastristes et puis il demande un visa pour l'URSS. Et les soviétiques, la lui accordent ? Non, ils acceptent qu'il travaille chez eux. Dans quel domaine ? Bon, je crois qu'il est engagé dans une usine qui fabrique des appareils de radio. Enfin, au bout d'un an, il en a assez et il se présente à l'ambassade américaine. Il veut retourner aux États-Unis. Entre-temps, il a rencontré une jeune fille, Marina. Il l'épouse et lui fait un enfant. Et c'est avec sa femme et sa fille qu'il revient en Amérique. Mais parce que les autorités soviétiques acceptent de le laisser partir avec Marina, non ? Oui, vous avez raison de souligner ce point. À l'époque, il était exceptionnel que Moscou autorise une femme mariée à un étranger de quitter le territoire soviétique. Enfin, poursuivons. Le couple s'installe au Texas. Toutefois, rapidement, la mésentente s'installe entre les deux époux et Oswald, sans son épouse, part pour la Nouvelle-Orléans. Et Marina, là ? Seule, parlant à peine l'anglais, elle trouve refuge chez une amie près de Dallas. C'est là que Lee Harvey Oswald vient la voir de temps en temps. Tout ça est très théorique, non ? Oui, je suis d'accord. Mm-hmm. Et que fait Oswald, là, son retour ? Ça, c'est très mystérieux. Il a retrouvé très discrètement ses anciens amis anticastristes. Mais en même temps, on le découvre à la Nouvelle-Orléans en train de distribuer des tracts pro. Il faut m'expliquer. Volontiers. En fait, depuis son engagement dans les Marines, le jeune homme a été pris en main par la CIA. Voilà, pris en main. Et comment pouvez-vous en être aussi certain ? La base où il a servi au Japon était entièrement contrôlée par l'agence américaine. Et c'est sur ordre qu'il a appris le russe. Donc, son séjour là en URSS était une sorte de mission d'infiltration ? Je le pense, oui. Mais elle n'a sans doute pas été couronnée de succès. Et c'est pourquoi il est revenu aux États-Unis. Et le fait qu'il ait obtenu l'autorisation d'emmener son épouse soviétique ? Il y a toujours de petits arrangements entre amis et même entre ennemis. Les Américains ont dû faire pression sur Moscou. Oui. Mais pendant son séjour là-bas, les Soviétiques auraient pu tenter de le retourner. Mais ils ont probablement essayé de le faire. Mais au fond, les gens de la CIA qui manipulaient Oswald s'en moquaient. Ça devient de plus en plus compliqué. Non, je vous explique. L'essentiel, c'était de construire de toutes pièces un personnage. Celui d'un type un peu fêlé, affichant des idées révolutionnaires et manifestant en toute occasion sa sympathie pour Fidel Castro. Un homme marié à une soviétique et qui a séjourné en URSS. En pleine guerre froide, je vous le rappelle. Je veux bien, enfin, construire un personnage dans quel but ? Lui faire jouer le rôle de l'assassin de Kennedy. Oui, un assassin communiste. Exactement, vous commencez à comprendre. France Inter, rendez-vous avec X. J'ai trouvé une confirmation de la manipulation d'Oswald par des hommes liés à la CIA dans le gros livre de Serge Raffi consacré à Castro et publié chez Fayard. Je cite. En 1962, Lee Harvey Oswald rentre comme une fleur aux États-Unis. Il réapparaît chez lui à la Nouvelle-Orléans au mois de juin. Il est d'abord ausculté par la CIA durant 3 mois afin de vérifier que la taupe n'a pas été retournée par les Soviétiques. Visiblement, les services secrets américains sont convaincus que leur agent est resté sain. Son incroyable défection chez les Rouges est bien restée sous contrôle. Preuve de la confiance de la CIA à son endroit, le traître fait valider son passeport dans les 24 heures grâce à l'intervention d'un sénateur républicain du Texas, John G. Tower, ami d'un certain Harold Lafayette Hunt. C'est par ce nouvel ami, homme d'affaires dans le secteur pétrolier, mais surtout consultant de la CIA, qu'Oswald trouve un travail à Dallas. En octobre, le revenant dégote un emploi à la firme Jagger Stovall-Shiles, entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes et graphiques à usage militaire, dont le principal client n'est autre que le Pentagone. Mais il faut encore peaufiner le portrait. Oswald dit à qui veut bien l'entendre qu'il compte se rendre à La Havane. Son rêve, c'est en effet de vivre à Cuba et de pouvoir serrer la main de Fidel Castro. Et fin septembre 63, c'est-à-dire un peu moins de 2 mois avant l'assassinat de Kennedy, Oswald part au Mexique où il va se livrer à une étrange gesticulation. Gesticulation, c'est-à-dire ? Dès son arrivée à Mexico, il se précipite à l'ambassade du RSS. Quel est son but, là ? Reçu par un diplomate, qui est bien sûr un homme du KGB, il demande à retourner en URSS. Mais auparavant, il veut séjourner à Cuba. Et comment les soviétiques l'accueillent, là ? Pas très bien. C'est que le personnage paraît bien agité, il est même armé. Et comme le diplomate refuse de lui donner satisfaction, il brandit son revolver. Est-ce qu'il est entré dans l'ambassade soviétique avec une arme ? Oui, ça semble incroyable, n'est-ce pas ? Alors évidemment, on le désarme. Ouais, on doit le prendre pour un fou. C'est certain. Et on les conduit non sans lui rendre son arme. Mais Oswald insiste, et il se rend ensuite à l'ambassade de Cuba. Et là, il produit son ancien passeport. Un document qui prouve qu'il a séjourné en URSS. Qu'est-ce qu'il veut là, un visa? Oui, mais les Cubains se méfient. Ils se renseignent auprès de leurs collègues soviétiques et lui refusent le visa. Toutefois, Oswald viendra encore deux ou trois fois chez les diplomates cubains. Naturellement. Enfin, l'important n'est pas là. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, Oswald soit allé dans les ambassades soviétiques et cubaines. Et pourquoi? Parce que non seulement sa présence n'est pas passée inaperçue, mais en outre, il a été à chaque fois photographié. Par qui? Des hommes de la CIA? Bien entendu. Tout ça faisait partie d'un scénario destiné à prouver que ce jeune homme, un peu désaxé, avait des sympathies pro-communistes. Oui, ça permettra ensuite d'accuser Castro d'avoir fait assassiner Kennedy. Exactement, oui, ça faisait partie du plan. Remarquez bien que ça aurait sans doute été encore mieux si Oswald avait vraiment été autorisé à séjourner à Cuba, ne serait-ce que quelques jours, mais le simple fait d'avoir demandé un visa suffisait. Alors vous excluez d'emblée l'hypothèse cubaine, hein, parce que Fidel Castro avait quand même de bonnes raisons d'en vouloir au président américain. Après tout, sous la présidence de Kennedy, on avait essayé d'attenter à sa vie. Hein. Plusieurs reprises, c'est juste, oui. Je crois même qu'en cette année 1963, Castro, dénonçant ses tentatives d'assassinat, avait menacé de répliquer par l'appareil. Mais je ne pense pas que le leader Massimo ait sérieusement envisagé de s'en prendre physiquement à JFK. Et pour au moins deux raisons. Je vous écoute. D'abord, la catastrophe de la baie des cochons. Kennedy qui avait écorné son image. N'oubliez pas qu'il venait tout juste d'arriver au pouvoir. Et pensait à renouer avec Cuba progressivement, d'accord. Mais il y pensait. L'autre raison qui excluait la responsabilité de Castro dans l'assassinat de Kennedy, c'était qu'il aurait été trop dangereux pour lui de s'en prendre au président américain. Quoi? À cause d'éventuelles représailles? Bien entendu. En faisant assassiner le président américain, le leader cubain aurait fourni un formidable prétexte aux Américains pour intervenir militairement à Cuba. D'accord, mais pourtant vous m'avez précédemment dit que des gens de la CIA avaient tout fait pour compromettre Castro à travers Oswald, militant prétendument progressiste. Et je ne retire rien de ce que j'ai dit, mais l'affaire a échoué. Expliquez. En fait, le cafouillage a commencé avec le ratage de l'agent Tippit. Si ce policier, comme c'était prévu, avait tout de suite liquidé Oswald, on ne se serait même pas posé de questions. Castro aurait été immédiatement dans la ligne de mire des Américains. Je suis sûr que les représailles n'auraient pas tardé. Mais Oswald non seulement n'a pas été tué, mais il a été arrêté. Ah oui, donc il risque de parler. Oui, et de révéler que dans toute cette affaire, il n'a été qu'une chèvre. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pigeon. Pour le faire taire, il faudra improviser son assassinat par Ruby, un homme lié à la mafia. Et c'est à partir de là que l'opinion américaine va commencer à douter. Pourtant, si je me souviens bien, le successeur de Kennedy, Johnson, ne se privera pas d'accuser Castro d'avoir été l'instigateur de l'assassinat de Kennedy. C'est vrai, mais peut-être qu'il avait de bonnes raisons pour cela. Dissimuler par exemple sa propre responsabilité dans l'affaire. Ah, vous voulez dire que Johnson aurait pu lui aussi être mêlé à l'attentat contre Kennedy? Pourquoi pas? Mais chaque chose en son temps. Et je vous promets que nous reparlerons de Johnson dans la suite de ce récit. D'accord. Alors, on revient à Oswald, c'est ça? Oui. Quand il est de retour du Mexique, il s'installe à Dallas. Et il est rapidement engagé par l'entreprise qui gère ce dépôt de livres scolaires. L'ami qui lui a trouvé cet emploi, un certain George de Morenschild, est un baron russe farouchement anticommuniste. Ce qui prouve une fois de plus que Lee Harvey Oswald jouait un rôle lorsqu'il se prétendait pro-castriste. Est-ce que ce baron était lié lui aussi à la CIA? Vraisemblablement. En 1977, ce Morenschild sera appelé à témoigner devant une commission parlementaire qui a rouvert le dossier Kennedy. Mais quelques heures avant d'être entendu, il se tirera une balle dans la tête. A noter qu'il avait confié à plusieurs reprises à des membres de son entourage qu'il était persuadé de l'innocence d'Oswald. Et vous pensez qu'il ne s'est pas suicidé mais qu'on l'a liquidé? Bien sûr. Mais vous le savez certainement, c'est fou. Le nombre de personnes liées à cette affaire qui vont mystérieusement mourir. Ce qui accrédite selon vous la thèse du complot? Naturellement. Oswald travaille donc au dépôt de livres où il a été engagé assez peu de temps avant le voyage du président à Dallas. Quelques jours plus tôt, il a acheté par correspondance une carabine à lunettes sous un faux nom. Pourtant, la vente d'armes par correspondance est légale aux États-Unis, je crois. Oui, mais je suis à peu près certain qu'on lui a donné l'ordre d'agir ainsi. Pour accréditer la thèse de la préméditation? Je le pense, oui. Autre fait très curieux. Oswald se fait photographier en tenant cette arme à la main. Et bien sûr, les policiers, lorsqu'ils perquisitionneront, retrouveront cette photo. En fait, question importante quand même, cette arme, c'est bien celle qui sera retrouvée au dépôt de livres? Oui, mais là encore, il y a un mystère. Les policiers parleront d'abord d'une carabine Moser 7.65. Mais plus tard, ils affirmeront qu'il s'agissait d'une arme italienne, une Mannlicher Carcano de calibre 6.5. Bizarre, non? Si bizarre même qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas deux armes au cinquième étage du dépôt et si on n'en a pas fait disparaître une. Oui. Oui, donc deux armes, deux tireurs. Ouais. Ça, c'est quand même difficilement imaginable. Ah oui, mais tout dans cette affaire est incroyable. Quand on songe au nombre d'examens ou de vérifications qui n'ont pas été opérés, ou encore, par exemple, aux preuves qui ont disparu, tenez, la voiture, cette Lincoln décapotable, elle a été expédiée à Washington, lavée et recarrossée. Alors qu'elle aurait pu être utile aux experts en balistique. Bien sûr. Autre chose, un panneau routier sur lequel des témoins avaient cru voir un impact de tir a été démonté et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je ne parle pas de toutes les photos qui ont été saisies par la police et qui ont purement et simplement disparu. Des photos prises par les spectateurs présents sur le bord de la rue. Oui, des photos qui auraient pu être utiles à une enquête sérieuse et impartiale. Ah, il y a quand même eu ce fameux film amateur. C'est vrai. Enfin, encore là, tout n'est pas clair. Vous connaissez l'histoire ? Oui, mais enfin, rappelez-moi. Bon, ce film 8 mm est tourné par un passant qui étreint ce jour-là sa caméra. Il comprend immédiatement qu'il détient un document historique et il vend à bon prix son film à un grand hebdomadaire. Life, je crois. Le journal publie quelques images extraites du film, et c'est tout. La fameuse commission Warren chargée de faire la lumière sur la mort de JFK le visionne, mais s'abstient de le rendre public. Pour quelle raison? Le film est embarrassant parce qu'il met à mal la version officielle telle qu'elle sera établie par la commission Warren. C'est-à-dire la version Oswald Soltireur. Ayant atteint le président américain en tirant derrière. Ce n'est que des années plus tard que cet enregistrement capital sera diffusé. Mais je vais y revenir. Non, je crois vous avoir démontré qu'on a tout fait pour dissimuler la vérité. Oui, mais qui la police locale Les policiers de Dallas ont certainement accumulé les négligences et les fautes. Ce n'est pas très étonnant quand on songe que cette police était corrompue et gangrénée par l'extrême droite. Mais il faut tenir compte du fait que de nombreuses personnes étaient impliquées, et souvent au plus haut niveau de l'État. Ah ben, soyez plus précis. Je pense notamment au FBI. Son patron, tout puissant, Edgar Hoover, a fait tout son possible pour contrôler l'enquête. Et lorsque Johnson se décide à créer la commission Warren, Hoover n'aura de cesse d'intervenir dans son travail d'enquête. C'est d'autant plus intéressant qu'Oswald était loin d'être un inconnu pour le FBI. Ah bon, ça signifie ? Il était fiché depuis longtemps par le bureau fédéral pour qui il travaillait parfois comme indicateur. Et mieux, un agent du FBI était chargé à Dallas même de le surveiller ou d'assurer le contact avec le bureau. Et Oswald le savait ? Parfaitement. On a même retrouvé dans son agenda mention du nom de cet agent, de son adresse et de son numéro de téléphone et même de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Enfin, j'ai été trop long et je vous propose de reprendre cette conversation la semaine prochaine. Rendez-vous est pris car le dossier Kennedy cache encore de nombreux mystères. Oswald, pour reprendre l'expression de Monsieur X, a-t-il été un pigeon, un personnage manipulé ? J'ai trouvé une récente interview de la veuve de Lee Oswald. Marina Oswald affirme avoir rencontré son mari après son arrestation et pendant sa courte détention. Oswald semblait très confiant. Il était persuadé qu'il s'agissait d'une erreur et qu'on allait le relâcher. D'autre part, elle évoque la fameuse photo où l'on voit Oswald posé fièrement avec l'arme qui a tué Kennedy. Et elle remarque non sans raison, s'il avait voulu tuer le président, se serait-il fait photographier ainsi ? Maintenant, dit-elle, je comprends, c'est un marché qu'il avait conclu avec les services de renseignement et dont ils se sont servis pour prouver sa culpabilité. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission.